brethren. And he stretched out his hand towards his disciples and said, behold my mother. He said, I'm his mother. And call me his own mother. Behold my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my mother, my brother, my sister, In 49 lesen wir, und Jesus streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Das heißt, in Christus Jesus habe ich eine neue Verwandtschaft. Et verset 49 nous dit, puis désignant ses disciples un geste de la main, il ajouta, ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père, céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Donc ça signifie que Jésus-Christ a dit que c'est à travers son sang, à travers ta soumission devant son Père, c'est là que tu es capable à être appelé sa famille. Donc il nous a donné une nouvelle famille. You know, Genesis. To see Christianity today, they're after those things. Wenn du dir das Christentum anschaust, sind sie hinter diesen Dingen her. Et si tu vois le à Genèse, le christianisme, ils sont toujours derrière, oui, le naturel. Du musst heiraten, Kinder haben. Die Welt sozusagen erobern. Aber ich danke dem Herrn für Paulus beispielsweise. Et tu peux voir que même dans l'ancien, les gens, même la religion est toujours en train de nous dire, oui, tu dois avoir une famille, tu dois avoir une femme, des enfants, tu dois dominer le monde, tu dois te faire un nom ici sur terre. Tout ça, tu vas voir qu'ils sont toujours derrière le naturel. Amen. And I thank the Lord for Jesus. Und ich danke dem Herrn für Jesus. No biological son or daughter that children, you know, if you just marry a woman and then they have children. Und er hatte, Kinder, ne? Er hat Kinder, das sind du und ich. Et je remercie l'Éternel aussi pour Paul, parce que lui n'avait même pas aussi une famille naturelle, biologique comme quelques entre nous ici. Praise the Lord. Amen. He said, for whosoever will do the will of my Father is my everything. Und wer auch immer, and not you, Mary. Wer auch immer den Willen eines Herrn tut, des Herrn tut, der ist meine Familie, nicht du, Maria. Et puis il dit que seulement la personne qui fait la volonté de mon Père, c'est lui qui est ma famille, et pas toi, Marie. Donc si Marie veut faire la volonté de son Père, là elle est aussi la mère du Christ, mais si elle ne le faisait pas, elle sera même pas la mère du Christ. You can see how he chose his father. Ihr könnt sehen, wie er seinen Vater gewählt hat. Et tu es capable à voir comment lui il est en train de choisir son père? Can we choose him the same way today? Können wir ihn heute auch so wählen? Est-ce que nous on est aussi capable à choisir? And I said, if you know God, Christ's family, they are now my mother, und my father, sagen, dass my Christ, family. Die Familie von Christus, my everything. Meine Familie ist. Est-ce qu'on est capable à dire que c'est la famille du Christ qui est ma propre famille et pas la famille naturelle? You know that we are always trying to draw him into the flesh. Wir haben immer versucht, ihn in das Fleisch zu ziehen. Les gens ont toujours, surtout la religion, essayent toujours à emmener le Christ dans le naturel. Praise the Lord. Naturel. In Luke 11. They were trying to draw him into the flesh. Again and again and again, but he always rejects it. Und sie haben es immer wieder versucht, aber er hat es verweigert. Und immer wieder auf seinen Vater hingewiesen. On va lire Luc 11. On va voir comment la religion ou bien les religieux ont toujours essayé de l'emmener dans la chair, mais lui, il a toujours vu l'esprit et considéré son père. Amen. Donc Luc 12, les 11, verset 27. Lucas 11, vers 27. Luke 11, verset 27. And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the companion lifted up her voice, and said unto him, blessed is the womb that bare thee. The 9 months we spend it. Amen. And the paps which thou hast sought, the breast that you sought. But he said, yea, rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. Amen. You can see him. That is how you allow the blood, his blood to flow through your veins. So lässt du zu, dass sein Blut durch deine Adern fließt. There's no other way. You continue to choose him. Et pendant qu'il parlait ainsi que le milieu de la foule, une femme s'écria, heureuse la femme qui t'a mis au monde et qui t'a allaité. Mais Jésus répondit, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui obéisse. Donc ici tu vois ce qu'il valorise. Il ne valorise pas la femme qui lui a allaité. Il valorise la personne qui a écouté sa parole et qui obéit à sa parole. Praise the Lord. Alléluia. You know, his kingdom is a kingdom of choice. Sein Königreich ist ein Königreich der Wahl, der freien Wahl. Donc, son royaume, c'est un royaume de la liberté du choix. He never forced anybody not to go to hell. Er hat niemanden gezwungen, er zwingt niemanden nicht in die Hölle zu gehen. Donc, Dieu, lui, il va pas te forcer à ne pas partir en enfer. Il va te never force anyone not to go against him. Er zwingt niemanden nicht gegen ihn vorzugehen. Donc si tu veux être contre lui, il va même pas te forcer à ne pas le faire. He never force anyone not to reject him. Er zwingt auch niemanden ihn nicht zu verweigern. Il va même pas aussi forcer quelqu'un à ne pas lui rejeter. If you see Lucifer when he was in heaven, he did not force him not to go against him. Wenn wir uns Lucifer anschauen, der Herr hat Lucifer nicht gezwungen, bei ihm im Himmel zu bleiben. Si tu vois même Lucifer, tu vas voir que l'Éternel ne l'a même pas, il n'a même pas forcé de ne pas agir contre lui. It means his kingdom is a kingdom of choice. Das heißt, sein Königreich ist ein freiwilliges Königreich. Ça va te faire voir que son royaume est un royaume de liberté. Amen. Là où tu if he was going to force anybody, it should be Lucifer. Wenn er jemanden hätte zwingen können, dann wäre es auch Lucifer. Si il voulait forcer quelqu'un à faire quelque chose, il allait forcer Lucifer. Amen. The first liar. Der erste Lügner. Le premier menteur. The first thief. Der erste Dieb. Le premier voleur. The first you know evil. Der erste Übeltäter. Le premier démon. The first to rebel against. Der erste, der gegen Jesus Christus, der gegen Gott rebelliert hat. Le premier qui a rebellé contre l'Éternel. He did not force him. Mais l'Éternel ne lui a pas forcé à ne pas faire ce qu'il voulait faire. He said to him, you have the right to go to where you want to go. And he will even escort you there. Du hast das Recht dorthin zu gehen, wo du willst. Der wird dich sogar dorthin. He cast him out. Yes, leiten sozusagen. Il lui a dit que toi tu as le choix de partir où tu veux. Si tu veux partir en enfer, moi je veux t'escorter là-bas. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Let us choose to have a relationship with him. Lasst uns wählen, Beziehung mit ihm zu haben. On doit vraiment choisir à avoir une relation avec l'Éternel. Let us choose to follow him to the end. Lasst uns entscheiden, ihn bis zum Ende zu folgen. On doit choisir de lui suivre jusqu'à la fin. Let us never allow anything to stop us. Lasst uns nicht, lasst uns genau, lass nicht zu, dass sich irgendwas davon hindert, ihm nachzufolgen. Donc, ne laisse pas que quelque chose puisse te stopper ou bien, oui, t'arrêter, t'empêcher à lui suivre. There are a lot of things on the way to stop us. Es gibt viele Dinge, die uns aufhalten möchten. Il y a beaucoup de choses dans notre chemin qui voudront nous stopper ou bien nous empêcher à lui suivre. There is a rival here on earth. Es gibt einen Rivalen hier auf Erden. Il y a un rival ici sur Terre. Somebody that is against Christ. Jemand, der gegen Christus ist, der ein Feind von Christus ist. Donc il y a un rival ici pour le Christ. And that person is Satan. Diese Person ist der Satan. Et cette personne, c'est le diable lui-même. He does not want to go to hell alone. Er will nicht allein in die Hölle. Il ne veut pas partir en enfer lui-même. Choose Christ, please. Entscheidet euch für Christus, c'est bitte. C'est pour cela choisit l'Éternel. Amen. Amen. You know, people always say, is it only here that there is Christ? Die Leute sagen immer wieder, ist Christus nur hier zu finden. Il y a des gens qui disent que le Christ est seulement dans votre église ou quoi? And I always said to them, yes. Ich sage immer wieder ja. Et moi je dis oui. Because if you look at Noah, the story of Noah. Wenn du die Geschichte von Noah anschaust. Parce que si tu vois l'histoire de Noé. How many people were saved? Only Noah's family. Wie viele Leute waren errettet? Nur die Familie von Noah. Combien de personnes étaient sauvées dans l'ancien monde? C'était Noé lui-même. If you look at that of Sodom and Gomorrah. Oder bei Sodom und Gomorrah. Two cities. Zwei Städte. Si tu vois Sodom et Gomorrah, tu vas voir qu'il y avait seulement deux. How many people were saved? Only three people. Wurden gerettet? Nur drei Leute. Zwei Städte. Dans les deux cités, il y avait que trois personnes qui ont été sauvées. Is somebody getting it? Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. The Lord wants everyone to be saved. Der Herr will, dass alle gerettet sind, aber es wird nicht, er zwingt diese Errettung niemandem auf. Er liebt die freie Wahl. L'Éternel veut que tout le monde soit sauvé, mais il va pas forcer quelqu'un. Lui, il aime la liberté du choix. I know what we have here. Wir wissen, was wir hier haben. Moi, je sais ce que nous on a ici. I know what here is all about. Ich weiß, worum es hier geht in dieser Gemeinde. Et moi, je sais ce qu'on a et de quoi il s'agit dans cette église. And that's why I can tell you here is Christ. Deswegen kann ich sagen, dass hier Christus ist. Et c'est pour cela que je suis capable de vous dire que ici il y a le Christ. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. I know there are many churches outside. Ich weiß, dass es viele Gemeinden da draußen gibt. Viele, sehr viele da draußen. Et je sais qu'il y a vraiment beaucoup des églises dehors. And people are saying we don't even know which is what is the truth. Leute sagen, wir wissen nicht schon, was die Wahrheit ist. Il y a beaucoup de gens qui disent que ben nous, on sait même pas où qu'est-ce qui est la vérité. It means you don't even have a relationship with the Holy Spirit. Aber es bedeutet, dass du keine Beziehung mit dem Heiligen Geist hast. Mais ça veut dire que tu n'as même pas une relation avec le Saint-Esprit. If you have a relationship with the Holy Spirit, say the Holy Spirit will guide you to all truth. Wenn du Beziehung mit dem Heiligen Geist hast, wird der Heilige Geist dich in alle Wahrheit einleiten. Et si tu as une relation avec le Saint-Esprit va te faire voir, te montrer qu'est-ce qui est la vérité. What we preach here is impossible for man to believe. Was wir hier predigen, ist unmöglich für den Menschen umzusetzen. C'est que nous on prêche ici, c'est vraiment impossible pour l'être humain d'y vivre. Amen. Amen. What Jesus did is impossible for man to do. Denn das, was Jesus getan hat, ist unmöglich für den Menschen zu tun. It's impossible. Because you remember the 9 months in the womb. You remember the breast you suck. But Jesus never allowed that to be on the way. Ja, Jesus hat nicht zugelassen, dass die Tatsache, dass er aus dem Schoß von Maria gekommen ist, ihm im Weg stand. Er hat nicht zugelassen, dass Sentimentalität, Erinnerungen oder irgendwas anderes ihm im Weg stand. Er hat das alles hinter sich gestellt und einfach nur den Herrn gesehen, die himmlische Verwandtschaft. Ce que Jésus-Christ a fait, c'est vraiment impossible pour nous aujourd'hui. Parce que si toi, c'était possible dans le naturel, tu vas toujours te rappeler du 9 mois que tu as été dans le ventre. Comment cette mère a été bonne pour toi, comment elle t'a aidé, comment elle t'a soutenu. Donc ça signifie que tu as vraiment besoin du Christ pour être capable de comprendre ce qu'on est en train de dire ici. Attends le Lord that Jesus knows Satan very well. Ich danke dem Herrn, dass Jesus den Satan kennt. Et moi je remercie l'Éternel parce que Jésus, il connaît vraiment le diable. He knows his lies, he knows his system. Er kennt seine Lügen, er kennt sein System. Il connaît le diable, il connaît les systèmes du diable. You know, Adam did not even know anything. Adam wusste nichts. Adam, il savait rien. The Bible calls Adam the first Adam and Jesus was the second Adam. Die Bibel nennt Adam den The first Adam did not know. He did not know anything. Den ersten Adam und Jesus den zweiten Adam. Satan. Donc, Denn der erste Adam wusste nichts über die Listen des Satans. Donc je vois que Jésus-Christ, la Bible nous dit que il a appelé Adam comme le premier Adam et Jésus-Christ c'est comme le deuxième Adam et le premier Adam il ne savait rien. Amen. You know Jesus. He knows how Satan loved the flesh. He loved mother, he loved brother, he loved sisters. He's always behind the body. And Jesus knew that. And he refused to give in to it. But Adam, you can see Adam, lovey, lovey, the wife. After eating, he gave it to him. Amen. Praise the Lord. Let us choose Christ. Jesus hat das Fleisch nicht geachtet. Deswegen ist er nicht auf die Listen des Satans eingegangen. Aber Adam hat das Fleisch erachtet und deswegen ist er seiner Frau in den Ungehorsam mitgefolgt. Donc on voit que Jésus-Christ, lui, il savait la vérité, il savait qu'il n'était pas derrière la chair. Et c'est pour cela, quand le diable lui a tenté, oui, ben, ta mère te cherche, il était capable de dire la vérité, il était capable de dire que ben, ma mère, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Mais si tu vois Adam, par exemple, vu qu'il était toujours derrière la chair, quand sa femme a commencé à lui tenter avec la bouffe, lui... Il a vu ça et il a choisi sa femme en fait parce qu'il ne connaissait pas la vérité. Satan loved the flesh so much. Satan liebt das Fleisch so sehr. Et parce qu'il était derrière la chair et le diable lui il aime la chair. If you look at parents today, once they are seeing their children, they see their children as little children. Mm-hmm. And there's nothing like little spirit. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Menschen unterschätzen ihre Kinder und denken, dass Kinder einfach Babygeister in sich haben. Aber es gibt keinen kleinen Geist, keinen Babygeist. Il y a vraiment beaucoup des enfants qui sont en train de sous-estimer leurs enfants. Il dit que oui, peut-être il a notre enfant a un esprit de bébé. Non, ça n'existe pas un esprit de bébé. The power that is doing the evil is the inside. There's nothing like small. Der Teil, der das Böse tut, ist das Innere. Und in diesem Inneren gibt es keine Größen, verschiedene Größen. Donc, la partie qui fait, qui choisit, qui fait, qui vit sa vie, c'est l'intérieur. Et dans l'intérieur, il n'y a pas le grand intérieur ou le petit intérieur. Amen. Even that of Jesus Christ will help you to know. When he was a baby, they went there to worship him. Because there's nothing like a little spirit. Und das war Spirit was God. Ja, und das von Jesus Christus, how small it is. Würde euch auch helfen, das zu erkennen. Ne? Die, die drei Weisen sind dorthin gegangen und haben Jesus angebetet. Ne? Nicht wegen seinem, seinem Äußeren, sondern wegen dem Inneren, was Gott ist. Et tu peux voir aussi à l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Quand il était un bébé, on n'a pas dit que oui, c'était seulement un esprit de bébé. Non, il était un Dieu. Même étant un bébé, il y a les trois mages qui sont partis là-bas pour adorer ce bébé. Mais c'était un Dieu, c'était pas un bébé en fait. Praise the Lord. Let us take Christ very seriously. Lass uns Christus bitte ernst nehmen. On doit vraiment apprendre à prendre le Christ au sérieux. Amen. Stop joking with him. Nimmt ihn nicht auf die leichte Schulter. Donc on va pas blaguer avec le Christ. Praise the Lord. Amen. If you have any question, we will quickly ask. Si vous avez des questions, praise the Lord. Posez des questions, s'il vous plaît. Amen. I don't know if we still have time for testimony today. The Lord have finished all the time. Praise the Lord. We're supposed to give testimony. And tomorrow, the message tomorrow is also there. Maybe we start out of testimony on Wednesday. Amen. Amen. Praise the Lord. So please, if anyone have question, because it's good to have question, please. If there's any part or any area you don't understand, because he said, if you hear the word and understand it not, Matthew 13. He said, the little you even know, Satan will come and take it. Mm-hmm. And that is why understanding is very important. Mm-hmm. And action also. Through action, that is how you see revelation. Mm-hmm. Without action, there is no revelation. Mm-hmm. It's action first before revelation. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. So please, any question, if there's no question, we stand up and then we pray. Yes, I don't have a question, but I want to thank the Lord for the message. Yes. It was really nice, and I'm very thankful for